des locataires qui sont au cœur de votre émission Les Experts. Pour répondre à toutes vos questions aujourd'hui, 02 62 99 2000. Belle journée avec la suite des programmes. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. À l'île de la Réunion, voici le journal de France Info sur la première. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Un braquage à plus de 10 millions d'euros commis cette nuit à Paris. Une attaque à main armée dans un hôtel particulier. La reine du bling-bling, Kim Kardashian, s'est fait voler ses bijoux. L'État assigné en justice à cause de l'insalubrité de ses prisons. À Fresnes, les cellules sont infectées de rats et de cafards. Certains détenus ont même attrapé des maladies. À la une également, Arnaud Montebourg qui passera bien par la case primaire pour sa candidature à l'Élysée. Le pape qui s'en prend au manuel scolaire français. Et les États-Unis qui remportent la Ryder Cup, la prestigieuse compétition de golf. France Info. D'abord donc, une star braquée en plein Paris dans sa résidence. Kim Kardashian, la starlette de la télé-réalité américaine, plus habituée aux pages mode et people des magazines qu'aux pages faits divers. L'attaque a eu lieu il y a quelques heures. Olivier Bois, vous en avez eu la confirmation. Exactement, l'attaque a eu lieu cette nuit, attaque à main armée dans le 8e arrondissement, vous l'avez dit, dans un hôtel particulier, très luxueux, où le couple d'ailleurs Kardashian-Kanye West a ses habitudes quand il descend à Paris. Ce sont 5 braqueurs qui ont réussi à rentrer déguisés en faux policiers. Ils étaient armés, ils ont d'abord braqué le veilleur de nuit. Ils auraient également menotté un garde du corps avant de trouver la star américaine et de la menacer à son tour. Le butin est colossal. Elle a déclaré pour 16 millions d'euros de bijoux volés. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. C'est la police judiciaire parisienne qui va s'en charger. Kim Kardashian est très choquée, mais elle n'a pas été blessée physiquement. La star américaine, vous savez, était à Paris cette semaine pour la Fashion Week. C'est son entourage d'ailleurs qui a communiqué très vite cette nuit sur ce braquage et pour cause. Le mari de Kim Kardashian, Kanye West, a interrompu son concert hier soir à New York dès qu'il a appris la nouvelle. Olivier Bois du service police-justice de France Info. L'Observatoire international des prisons attaque l'État en justice. Une procédure en urgence car l'OIP ne veut plus attendre. Cela fait des mois que l'organisation alerte sur la prolifération de nuisibles au centre pénitentiaire de Fresnes. Il y a des rats, des cafards, des punaises qui véhiculent des bactéries et des maladies. Corinne Audouin. Maud Schlaffmann est avocate au barreau de Créteil. Elle se rend à Fresnes au moins une fois par semaine pour rencontrer ses clients. Tous lui ont raconté comment ils cohabitent avec divers animaux nuisibles. À Fresnes, on trouve principalement des rats, surtout dans les cours de promenade et également dans les coursives qui sont en fait les lieux de circulation au sein des divisions. Donc qui dit rat dit aussi d'éjection de rats, ça fait beaucoup d'odeurs qui remontent, qui sont difficiles à supporter. C'est aussi la nuit, moi, des clients qui me racontent qu'ils entendent des rats se battre. C'est au petit matin, rentrer dans sa cour de promenade et découvrir des cadavres de rats. Dans les cellules, ce sont les insectes et principalement les punaises et les cafards. Donc il faut savoir que les punaises sont des punaises de lit, avec notamment un client à moi qui m'indiquait que son matelas était tellement infesté qu'il préférait dormir la tête posée sur la table de la cellule plutôt que de rester dormir sur son matelas. Alertée après deux cas de leptospirose, l'Agence régionale de santé avait estimé que la prolifération des rats était surtout due aux déchets jetés par les détenus. Ceux-ci déplorent un ramassage trop rare des ordures qui s'entassent dans leurs cellules suroccupées. Le phénomène semble en tout cas aujourd'hui hors de contrôle. L'OIP dénonce une situation à la fois dangereuse pour la santé et attentatoire à la dignité et demande des mesures d'urgence. Une audience devrait se tenir dans les 48 heures devant le tribunal administratif de Melun. La primaire de la gauche pour la présidentielle est sur les rails. Le Parti socialiste a fixé les règles de ce scrutin, la façon dont il va être organisé et les conditions pour être candidat. Et ces modalités conviennent à Arnaud Montebourg. L'ancien ministre socialiste attendait de les connaître pour valider sa participation. C'est bon, il participera à la primaire. Il l'a annoncé hier soir sur TF1. Yannick Falt. Arnaud Montebourg faisait monter les enchères pour participer. Un maximum de bureaux de vote, il y en aura au moins 8000. Un maximum d'argent donné par le parti pour chaque candidat. Il réclamait 100 000 euros sans trop y croire. Ce sera finalement 50 000 comme en 2011. Mieux que les 30 000 initialement envisagés. Suffisamment en tout cas. Fin d'info suspense pour l'ancien ministre. Oui, j'ai décidé d'inscrire ma candidature à l'élection présidentielle de 2017 dans le cadre des primaires de la gauche. Pourquoi ? D'abord, parce que les Français ne veulent plus de ce duel annoncé de deux anciens présidents sortants, les mêmes protagonistes qu'en 2012, qui nous ont menés là où nous sommes. Et puis surtout, c'est l'outil du rassemblement. Et je crois que si nous nous rassemblons, nous pouvons l'emporter en 2017 et éviter ce scénario noir qui est annoncé de l'élimination programmée comme ce fut le cas le 21 avril 2002. Arnaud Montebourg, qui n'a pas obtenu satisfaction sur un point, ses proches réclamaient la mise en retrait de Jean-Christophe Cambadélis, accusé d'être le premier supporter de François Hollande, raté. Le patron du PS restera en fonction et il demande aux candidats de respecter une charte éthique interdisant de dénigrer leurs concurrents, comme un bouclier pro-Hollande. Et cette primaire aura lieu les 22 et 29 janvier. La générosité des Français passée à la loupe, les dons aux associations ont progressé l'an dernier, plus 1,7%. Les causes qui récoltent le plus d'argent sont la protection de l'enfance et la recherche médicale. C'est une étude du syndicat professionnel France Générosité qui regroupe 89 associations. Il est 8h05 sur France Info. Grosse surprise en Colombie, les électeurs rejettent l'accord de paix signé avec les FARC. C'est très serré, mais le non l'emporte avec 50,2% des suffrages. Alors ce n'est pas la paix en tant que telle qui est rejetée, mais les conditions de cette paix. Le texte est jugé trop favorable aux anciens guérilleros. Il y a trop de concessions, notamment des mesures d'amnistie. Le président colombien Juan Manuel Santos promet de tout faire pour sauver la paix. De leur côté, les FARC assurent qu'ils n'ont pas l'intention de reprendre les armes. Autre référendum, celui organisé en Hongrie pour ou contre les quotas de migrants. Le premier ministre Viktor Orban ne veut pas de réfugiés dans son pays. L'Europe lui demande d'en accueillir 1300. Il espérait un plébiscite. Alors certes, le non l'emporte à 98%, mais le référendum est invalidé faute de participants. Moins d'un électeur sur deux est allé voter. Le pape s'attaque aux manuels scolaires français. Il leur reproche de propager la théorie du genre, qui représente selon lui une grave menace pour le mariage et la famille traditionnelle. Le souverain pontife reprend à son compte le combat de ceux qui prétendent que cette théorie est enseignée dans les écoles en France pour nier les différences sexuelles entre filles et garçons. Mathilde Imberti. À deux reprises en deux jours, le pape François s'en prend à la théorie du genre. Dimanche en Géorgie, il la cite comme une ennemie, menaçant les mariages. Hier, dans l'avion qui le ramène à Rome, il s'attaque au manuel scolaire, illustrant ses propos par un exemple français. Un père de famille français m'a raconté cette scène. À table, il demande à son fils de 10 ans ce qu'il veut faire plus tard et le fils lui répond « Je veux devenir une fille ». Ragazza. Le père s'est rendu compte que les livres du collège enseignaient la théorie du genre. Ceci est contre les choses naturelles. Qu'une personne change de sexe, c'est une chose. Mais c'en est une autre de l'enseigner dans les écoles pour changer les mentalités. J'appelle ça la colonisation idéologique. A questo io chiamo colonizzazioni ideologiche. Ensuite, quand le pape François évoque les personnes transsexuelles ou homosexuelles, il demande à l'Église de les accueillir. Il raconte avoir reçu au Vatican un transsexuel espagnol et son épouse. Les péchés existent, conclut-il, mais la miséricorde doit avoir le dernier mot. Rome, Mathilde Imberti, France Info. La saison des Nobel 2016 débute aujourd'hui avec le prix de médecine qui sera décerné à 11h30. Et puis l'Europe vient de prendre une leçon de golf. De la part des États-Unis qui remportent haut la main la Ryder Cup, victoire 17-11. Cette compétition est le troisième événement sportif le plus suivi au monde à la télévision. Et la prochaine édition aura lieu en France, à Paris, dans 2 ans. Christophe Mounieza, le directeur technique national de la Fédération de golf, s'en réjouit déjà. Au-delà de la dimension strictement sportive, indéniablement, il y a une dynamique positive qui va se créer autour de Paris parce que les Européens auront à cœur de tout mettre en œuvre pour regagner le trophée. C'est la première fois depuis 1997 que cette épreuve ne se déroulera ni sur le sol américain, ni sur le sol britannique, mais bien sur le sol continental. Donc il y a une symbolique, une forme de renouveau, évidemment, dont on va chercher à s'emparer pour réaliser une fantastique édition 2018 au Golf National. Christophe Mounieza, DTN de la Fédération Française de Golf. Nice en tête de la Ligue 1 de football à l'issue de la 8e journée. Les Aiglons ont battu Lorient 2-1 hier. Dans la soirée, Lyon a dominé son vieux rival Saint-Etienne 2-0. L'OL est 5e, les Verts 9e. Quant à Marseille, match nul. Un but partout à Angers, l'OM est 14e. Mathilde Munoz pour les infos, merci. A tout à l'heure, il est 8h08. Bonjour à tous, vous écoutez Réunion Première, il est 10h09. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. Profitons encore de ce beau soleil sur l'ensemble de notre île. D'ici quelques heures, nous verrons apparaître les nuages à mi-hauteur. Du vent, il y en aura aujourd'hui. Des rafales pouvant atteindre les 55 km/h. Ça va souffler aussi sur la plaine des Cafres, tout comme au Maïdo et au Volcan. La météo avec Sirius Réunion. Chauffe-eau solaire, nouvelle génération. 6 100 000 euros dans la tirelire aujourd'hui sur l'hippodrome d'Anguin pour le prix de Saint-Chamond dans la deuxième. Les pronostics du fouineur du GIR. Le 7, le 6, le 3, vous avez le 5, le 4, le 14, le 2 et le 15. 7, 6, 3, 5, 4, 14, 2, 15. Et puis hier dans la quatrième, il fallait trouver le 10, le 4, le 8, le 9, 2, le numéro plus, le 0, 0, 52, 4, pardon, 10, 4, 8, 9 et le 2. Vous tous, on vous souhaite évidemment la bienvenue sur Réunion Première. À mes côtés dans un instant, les experts du logement, les experts en droit locatif, Eric Ouarot de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, Sylvie Cadet de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement et Dominique Monéa du service gestion. Merci de réagir au standard de la Première au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. Quels sont les problèmes que vous rencontrez en ce moment dans votre logement? Est-ce que vous avez pensé à faire l'état des lieux? Qu'en est-il des travaux à faire dans votre habitation, les droits, vos droits, surtout et vos devoirs en tant que locataire, les devoirs et les obligations du propriétaire, le dépôt de garantie, les nuisances sonores, comment faire valoir ses droits, 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montani. Soleil, n'avait la pluie, car au camp et car au maïs. La terre était comme un paradis, grand-père était fier dans son pays. L'été ou pas, le temps passé, tellement on avait travail pour faire. Aller rôde, serbe aux animaux, avant que le soleil il était trop chaud. Nous marmaille, nous casse pas la tête, pour nous l'été tout le temps la fête. L'été le temps, laver de l'eau dans le grand canal. Et moi l'a pas vu le temps passer. Faut pas pleurer, moi m'y préfère chanter. Jamais, jamais m'y pourra oublier le temps passé. M'y ferme les yeux pour entendre oiseaux pontiers. Dans le fil là-haut, quand 6 heures va sonner. Jamais, jamais m'y pourra oublier. Le temps passé, le temps passé. Nous t'es pas riche, nous t'es pas pauvre. La ville était pas toujours rose. Qui dit manioc ou bien patate? Dans le marmite, l'été qui se batte. dans le fond la cour, sous pieds jamblons, l'après-midi l'air l'était bon. Et quand la pluie t'ai farine, mettez gaillard dans la cuisine. Le soir t'ai dit la prière, demande bon Dieu la lumière. L'été le temps, histoire, tijon et grand-mère calme. Ôtez-moi la pavie, le temps passé. Faut pas pleurer, moi m'y préfère chanter. Jamais, jamais, m'y pourra oublier le temps passé. M'y ferme les yeux pour entendre les oiseaux pontiers. Dans le fil là-haut, quand 6 heures va sonner. Jamais, jamais, m'y pourra oublier le temps passé. Jamais m'y pourra oublier le temps passé. Ferme les yeux pour entendre les oiseaux bondiers. Dans le fil là-haut, quand 6 heures va sonner. Jamais, jamais m'y pourra oublier le temps passé. Ôtez-moi la pavie, le temps passé. Faut pas plaire, moi m'y préfère chanter. Jamais, jamais m'y pourra oublier le temps passé. Ferme les yeux pour entendre les oiseaux bondiers. Dans le fil là-haut, quand 6 heures va sonner. Jamais, jamais m'y pourra oublier. Le temps passe, c'est signé Joël Vigne sur Réunion Première. 16h, 18h, le bon tempo avec David. Ils font la Réunion, ils ont rendez-vous dans le bon tempo sur Réunion Première. Acteurs du monde culturel, les artistes de la Réunion à l'honneur, sportifs, associations, jeunes entrepreneurs, réunionnais du monde. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire se rencontrer. Le rendez-vous détente de votre après-midi. Le bon tempo avec David, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il est 10h15 sur la première, pas facile de circuler ce matin avec les galères dans les embouteillages, évidemment, avec ces bouchons, notamment dans le secteur de la route du littoral. Les experts sont arrivés en studio. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, bonjour. Bonjour Claude, bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin, Eric Warraud de la Fédération nationale des agents immobiliers. Merci. Bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions des auditeurs, puisque nous sommes sur les droits et les obligations, n'est-ce pas Sylvie Cadet et Eric Warraud, des locataires mais aussi des propriétaires. Oui, il y a beaucoup à dire beaucoup sur à ces dire, questions-là. Ça. Beaucoup de problèmes à régler, à gérer aussi. Toujours, oui, toujours. C'est vrai qu'il y a toujours des indications précises à fournir, aussi bien pour le locataire que pour le propriétaire. Maintenant, après, tout dépend des situations dans lesquelles nous nous trouvons. La DIL renseigne aussi bien les propriétaires que les locataires. Nous sommes neutres, en fait. Nous donnons une information donc générale aux personnes. Et c'est vrai que plus la complexité des textes volants, plus effectivement il y a des informations à communiquer au fur et à mesure. Notamment, justement, sur les droits et les obligations. Alors, pourquoi ? Parce que plus les textes deviennent complexes, plus il est difficile, en fait, de s'en sortir. Alors, d'où, justement... Mais pour le locataire ou pour le propriétaire ? Pour les deux. pour les deux. Parce que Eric Warraud, de la Fédération nationale des agents immobiliers, certains propriétaires trouvent que, parfois, c'est injuste parce qu'on a l'impression que, voilà, ils sont délaissés pour compte dans ces nouvelles réglementations, dans ces nouvelles lois, que tout est fait pour le locataire, pour protéger le locataire. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent. Et comment est-il vraiment? Eh bien, le rôle, enfin, en tout cas, je reprends ce que vous disiez, le rôle des agents immobiliers est effectivement dans cette complexité juridique est de d'éclairer les deux parties, parce que dans, notamment si on parle de la location, dans le contrat de bail, il y a un propriétaire bailleur et il y a un locataire. Et le rôle de l'agent immobilier est de faire effectivement le rôle, j'ai envie de dire, d'éclaireur sur les droits et les obligations de chacun, et du propriétaire et du locataire. Donc c'est vrai que on est vraiment partenaire dans la gestion courante des biens de tout propriétaire. Mais alors encore faut-il connaître ses droits et puis surtout ses devoirs, Sylvie Cadet. Oui. Alors c'est pourquoi effectivement je vous disais que la situation est intéressante. Bon, pour nous en tant que juristes, puisque on a toujours des choses à dire, plus les textes deviennent compliqués. Et mais vous êtes là finalement. Aussi, vous êtes là aussi pour guider, aussi pour orienter les personnes. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que soit le contrat n'a pas encore été signé. Et par conséquent, par rapport à ce contrat qui n'a pas été signé, on peut donner des informations sur le contrat à signer, enfin en tout cas à proposer, à signer à son locataire. Et pour le propriétaire, compte tenu du fait qu'il y a justement des changements avec des obligations de fournir des contrats types, état des lieux types, donc tout ça fait que finalement, on va en quelque sorte donner cette information que souvent les propriétaires n'ont pas encore, parce que les textes sont tout récents. Pour ce qui est maintenant du locataire, alors locataire, il peut avoir, soit il n'a pas encore signé de contrat, il vient nous le montrer pour nous demander notre avis, soit il a déjà signé un contrat et il ne sait pas en fait si ce contrat correspond ou non au texte récent. Et alors nous, ben justement, nous devons lui apporter cette information-là, lui dire s'il manque des clauses. S'il a pris un contrat type de location, il n'y aura pas beaucoup de soucis, puisque de toute façon, les informations y seront. Mais si le propriétaire ne lui a pas fourni un contrat type de location parce qu'il ne le sait pas, et bien là, effectivement, notre information, elle va être bien plus complète et plus générale. Mais que dit ce contrat de location, Eric Ovaro? Les grandes lignes du contrat, en tout cas ce qui concerne l'habitation principale, et ben, il définit toutes les conditions générales de... à la fois donc d'obligations de délivrance du propriétaire par rapport à un logement qu'il met en location et les obligations qui découlent de l'occupation faite par le locataire. Bon, on va résumer les grandes lignes, c'est cela. Voilà. Et l'intérêt, on sait qu'on parle du juridique, et les lois évoluent tous les jours, et de passer aussi par tous un agent... Tous les jours ouais, oui, tous les jours, on voit des lois tous les jours. Et de passer c'est un vrai casse-tête, ça. par une fédération, notamment nous, par la FNAIM, on a un service juridique qui est au point, enfin qui tous les jours modifie les documents. On parlait là du contrat de bail. Dès qu'il y a une moindre évolution, les documents sont modifiés de façon immédiate dès que les décrets d'application sont sortis. Du coup, en passant par un professionnel, et notamment affilié à la FNAIM, que ce soit le propriétaire ou le locataire, aura la garantie d'avoir des documents qui correspondent complètement aux dernières orientations juridiques, enfin, législatives. Voilà. Vous avez la parole sur Réunion Première, vous composez le 02 62 99 2000, les questions par SMS au 06 92 70 2000, les experts sont avec nous jusqu'à 11h30, les experts du logement, on en parle avec Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, Eric Ouaro de la Fédération nationale des agents immobiliers, les problèmes que vous rencontrez dans votre logement, on peut parler de l'état des lieux, des travaux qui sont à faire et que le propriétaire vous trouvez qu'il traîne un peu pour ses travaux, on peut en parler, et puis alors les devoirs et les obligations aussi du propriétaire, et puis alors le dépôt de garantie, puisque ça revient très souvent dans ce genre d'émission, donc puisqu'on s'intéresse à votre habitation, votre logement, 02 62 99 2000. On a parcouru le chemin, on Delphine de Saint-Paul qui patiente au standard de la première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Delphine, bonjour. Allô ? Delphine ? Bon, apparemment, il y a un petit souci pour la voir. Je regarde Mathias, on va la rappeler. Et donc, oui, parce qu'elle était dans un logement. Enfin, ça fait 14 ans qu'elle est dans un logement. Elle n'a plus de nouvelles de son propriétaire. Ce serait intéressant de l'entendre. Ça arrive souvent, ça, Sylvie Cadet ? On en parlera avec Eric Boirot aussi. Oui, c'est plutôt rare en fait. Hein. En général, ils ont toujours un contact avec leur propriétaire bailleur, ne serait-ce que pour le paiement du loyer. Mais là, 14 ans, ça fait un peu beaucoup. Delphine est avec nous ? Delphine ? Oui, bonjour, oui. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Oui, vous êtes de Saint-Paul, c'est ça ? De Saint-Paul. En fait, je loue un appartement avec un propriétaire depuis 14 ans. Oui. Aucun souci, je veux dire, ça se passe très très bien. Sauf que ces derniers temps, on avait eu des petits soucis de fuite. Bon, il m'a dit, ben écoutez, je vous donne les coordonnées du syndic, vous gérez directement, ça s'est bien passé. Mais depuis 2 ans, j'essaye de le joindre pour lui dire que les travaux ont été faits et tout ça. Je n'ai plus de ses nouvelles. Je l'appelle, je laisse des messages, il ne me rappelle pas. Je lui envoie des mails, il ne me répond pas. Je suis allée voir là où il travaillait, on m'a dit ben qu'il est parti. Il a pris ses clés, il s'éclate qu'il est parti, on sait pas, personne ne sait où il est. Moi, je paye mon loyer par virement, c'est quand même 800 euros par mois. Je n'ai, des fois, de temps en temps, je dis, ben, il faut que je donne des nouvelles, il faut que j'ai de ces nouvelles. Et ben non, je ne sais plus quoi faire, parce que, ben voilà, il a tout simplement, voilà. Il est ah bon, là. Alors, c'est moi qui ai mal compris, parce que ça fait 14 ans que vous êtes dans le logement. Je suis dans voilà. le logement. D'accord, depuis 14 ans. On n'a jamais de soucis. Très bien. Voilà. Et ça fait 2 ans que vous essayez de joindre le propriétaire. Voilà. Deux ans, ça fait beaucoup quand même. Ben oui, c'est pour ça que je commence à m'inquiéter, et je ne sais pas vers qui me tourner, parce qu'imaginez que quelqu'un arrive tout d'un coup, me dit, voilà, il faut que vous partiez. Oui, mais c'est Non, Delphine, ne dramatisez pas les choses, s'il vous plaît. En plus, j'ai un âge assez avancé, je suis plus très jeune, donc je ne me vois pas courir à droite à gauche chercher un logement. Bien sûr, mais alors, est-ce que c'est un bailleur social ? C'est privé, ça ? Privé. Donc ça fait 14 ans. Nos experts sont avec nous, on va vous donner de bonnes informations et surtout vous rassurer, c'est important. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, Eric Ouarot de la Fédération nationale des agents immobiliers. Ça fait 2 ans qu'elle cherche son propriétaire. Alors, il y a une des obligations, oui Delphine, il y a en fait une obligation du propriétaire bailleur, et qui est inscrite dans le contrat de location, qui est justement d'inscrire son nom, bien sûr, et son adresse. À l'article 3 donc, de la loi du 6 juillet 89, cette précision doit bien sûr apparaître dans le contrat de location. Oui. Donc, vous avez une adresse, mais qui ne correspond plus effectivement à l'adresse du propriétaire. Je suis allée chez lui, mais il s'est fermé, il n'y a plus personne. J'y vais une fois par mois, j'y vais. D'accord. Et vous avez envoyé... là, ce que vous pouvez faire, c'est déjà envoyer au moins un recommandé à la dernière adresse connue. Et cette adresse, si toutefois il a fait suivre son courrier, devrait lui parvenir. Par contre, est-ce qu'il a fait suivre son courrier pour 2 ans, parce qu'en général, c'est par période de 6 mois, il me semble. Ouais. Il faut voir s'il a renouvelé. Mais alors, pour payer votre loyer, donc comment faites-vous ? Est-ce que vous envoyez ? C'est pas un virement, automatiquement. D'accord. Donc en fait, il reçoit... S'il y a un virement qui est fait, c'est prélevé sur mon compte. D'accord. Donc, le propriétaire reçoit. Il reçoit. Est-ce que vous avez demandé des quittances hein ? Je demande des quittances. Il me dit, écoutez, je vous donnerai un de ces jours, mais j'en ai pas. Depuis 2 ans, je n'en ai plus. J'ai plus rien, je vous dis. C'est ce qui m'inquiète le plus. Est-ce que vous avez au minimum un numéro de téléphone ? Son numéro, oui. D'accord, mais quand vous dites qu'il va vous fournir les quittances, il vous dit oui, puis finalement il ne vous les fournit pas. C'est au téléphone, en fait, qu'il vous donne cette information-là ? Mais on se rencontrait, quand même. Je savais où il travaillait, j'allais le voir sur son travail, je passais de temps en temps et tout ça. Mais même son travail me dit, ils ne savent pas ce qui s'est passé, il est parti. Ah oui, d'accord. Qu'à un moment donné, il avait eu des soucis de santé. Je me dis peut-être qu'il est parti pour 3 mois, 6 mois, et c'est pour ça que j'ai attendu un peu, mais là, 2 ans, ça fait beaucoup. Eric Ouarot de la Fédération nationale des agents immobiliers, elle est plutôt inquiète, là. Oui, après, je pense pas qu'il faut être plus inquiet que ça non plus. À partir du moment où vous payez votre loyer, donc vous remplissez vos obligations, pour rester pratique, vous n'avez aujourd'hui pas de préjudice particulier, si ce n'est effectivement l'absence de quittance, si vous devez en fournir. Ensuite, si lui avait, entre guillemets, disparu, son compte en banque aurait été aussi fermé, okay, mais oui, a priori, oui. Si vous n'avez pas de retour de la banque, comme quoi le virement ne peut plus être effectué, donc c'est qu'il y a toujours bien un compte en banque, c'est qu'il est bien quelque part, ce monsieur. Oui, c'est ce que je me dis. C'est ça, que ça soit lui ou quelqu'un d'autre, il y a bien quelqu'un qui encaisse cet argent. Oui. Donc. J'ai lui cadé. Excusez-moi. Et en fait, et à cette adresse, qui est inscrite sur le contrat, oui. Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous avez vu si la maison au moins 5-6 fois, c'est fermé. D'accord. La maison est fermée, d'accord. Bon, alors ce que vous pourriez faire, c'est donc envoyer un recommandé mettre un petit mot aussi dans la boîte aux lettres. Le petit mot, je l'ai déjà mis. Vous l'avez déjà mis, il n'a pas donné de retour. Trois petits mots, il y en a trois, oui. Est-ce que cette personne a de la famille à La Réunion? Est-ce qu'au lieu de trois petits mots, vous avez essayé quatre petits mots? Non, il avait une fille, je savais que sa fille habitait en métropole, c'est tout ce que je sais. D'accord. Et vous pourriez essayer au moins de retrouver les coordonnées de sa fille personne interposée. Je vous dis, là, je vous appelle en désespoir de cause, ça tombait bien cette émission. J'ai essayé de chercher sur Internet, mais je ne connais pas le nom. Si elle est mariée, je ne connais pas son nom de dame, j'ai que son nom de jeune fille. Oui, d'accord. Et c'est une fille qui doit avoir la cinquantaine au moins, quoi, vu l'âge du papa, entre 45 et 50 ans. Oui, oui. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de banal pour moi, c'est assez important, quoi, parce que... Alors, on peut pas donner son nom à l'antenne, évidemment, parce que si la fille entendait, ça permettrait bien sûr de retrouver. Non, mais on peut pas le faire, c'est sûr. Mais là, il faudrait effectivement essayer de trouver une autre solution. Dans les échanges de courriers qu'il y avait eu entre vous auparavant, parce que ça fait 14 ans que vous êtes, locataire. Oui. Peut-être qu'il y a une adresse. Autre qui apparaissait sur un des autres courriers qu'on avait pu recevoir. Non, juste une fois, il m'avait dit que bon, il m'avait pas répondu parce qu'il était en métropole, il s'était fait soigner. Oui. Et enfin, je sais pas, j'imagine un peu le pire. Imaginons qu'il se soit passé quelque chose, que ce monsieur il soit très gravement malade. Il y a bien quelqu'un qui gère ses affaires derrière et qui encaisse le loyer. Qu'est-ce que vous pensez si je paye pas le loyer, que je mets l'argent sur un compte, comme vous dites, peut-être que ça fera réagir quelqu'un? Non. Non, mais je comprends bien, surtout Delphine, elle a envie de faire réagir le propriétaire. Oui. Voilà, c'est juste ça, hein. C'est histoire d'être rassurée. Non, si c'était passé quelque chose, vous auriez eu des nouvelles de sa fille. Puisque sa fille sait qu'il y a appartement ou une maison en location. Il a au moins une dizaine d'appartements dans la région ouest. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, sa fille serait venue. Enfin, si toutefois, il n'a qu'une fille unique, un enfant unique. Donc, non. Là, vous continuez à payer le loyer. Par contre, il faudrait tout de même que vous puissiez recevoir vos quittances. Alors, moi, je pense qu'il faudrait tout de même essayer de retrouver la trace de la fille. Soit en regardant avec tous les systèmes que nous avons maintenant sur Internet, en mettant son nom d'épouse, son nom de jeune fille, enfin ce que vous avez en tout cas. Son nom d'épouse, malheureusement, son nom de jeune fille. Oui. On peut essayer comme ça. Ensuite, ça va être difficile. Hein, J'ai tourné, retourné le problème dans tous les sens. Je vous dis, depuis 2 ans, moi, ça fait un peu beaucoup. Quoi. Et si vous retournez en fait sur son lieu, là où il travaillait, en tout dernier, juste pour dire que vous êtes locataire. Ah non, mais ils me connaissent, parce que j'allais le voir de temps en temps. Ils me connaissent et je suis allée, ils m'ont dit, vous savez, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Il a bien fallu qu'il leur verse, le dernier salaire. Donc ils ont dû l'envoyer quelque part. Alors peut-être qu'ils ne veulent pas spécialement vous donner la dernière adresse connue, mais si vous les informez en leur disant que vous souhaitez uniquement qu'ils donnent vos coordonnées à cet ancien employé, peut-être qu'ils feront passer à ce moment-là le message, de façon à ce qu'il puisse lui prendre contact avec vous. D'accord. On peut tenter ça aussi, puisqu'il y a bien eu, je pense, enfin, ça m'étonnerait qu'il n'ait pas réclamé son dernier salaire, en tout cas, Oui, certainement, oui. On peut tenter comme ça, pour essayer d'avoir... D'accord, Delphine. Ne soyez bonne journée, Delphine. Trop inquiète. Ah oui, je commence à passer des nuits blanches, là. Il ne faut pas. Je reviendrai vers vous dans quelques jours, d'accord? Merci beaucoup. Bon, impossible, votre situation s'est améliorée. Vous aussi. À très bientôt, Delphine. Au revoir. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, Éric Ouarot de la Fédération nationale des agents immobiliers sont avec nous, Amélie de Saint-Pierre. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors Amélie, on s'est parlé il y a quelques semaines. Oui. Voilà, il y avait des soucis dans votre logement. Oh oui, de très gros soucis depuis 2011. Voilà, et ces problèmes ont été résolus. Oh oui. Alors, bizarrement, mais je suis très heureuse. Comment ça bizarrement ce lundi matin? Il fallait sûrement ce petit coup de fil passer par vous pour que on a peut-être entendu, j'en sais rien, mais ça a marché, le miracle, où je crois en Dieu. Non, mais c'est juste que nous avons fait notre travail et puis que Sylvie Cadet s'est chargée de vous rappeler aussitôt. Oui. On peut se souvenir un petit peu de ce qui s'est passé dans votre logement? Oui, déjà, excusez-moi, comme je suis un petit peu enrouée, nous avons eu la grande journée de vin pour la mucoviscidose. Ah, très belle action hier, oui. Oui, voilà, du coup, ben, je suis un petit peu... voilà, mais en fait, c'est pas grave. Donc, notre problème, c'était l'infiltration, l'eau qui entrait à travers le mur, surtout dans la chambre de ma fille en particulier. Parce que votre fille, est surtout, elle est malade, hein, c'est elle ça. Elle est gravement, on pitoyait, oui, malheureusement. Voilà. Et donc, les infirmières qui passaient pour les perfusions, etc., les soignants, et on voyait toujours ce problème. J'envoyais des courriers par accusé réception. Je voyais plusieurs fois la gérante et tout. Oui, l'assurance, les expertises, etc., sont venues deux fois, rien du tout. Et puis, le séjour, j'appelle parce que je fais mon ménage et puis j'entends rémission. Je dis, ben, je vais faire, on ne sait jamais. Et par hasard, je suis prise tout de suite. Et donc, je vous explique comme vous avez pu constater mon petit souci. Et le lundi suivant, je vois deux personnes qui sont en train de faire la réparation à l'extérieur. Et je leur demande si c'est pour moi. Ils me disent, oui, on est venu pour vous. Mais ils me disent qu'ils vont faire plus ou moins légèrement. Un petit peu. Je leur dis, ben non, là, légèrement non, parce que ça fait longtemps que j'attends. Ils me disent, oui, on m'a pas dit de faire plus. Je dis, ben, je suis désolée, vous appelez votre chef et puis vous me le passez. Et je lui ai expliqué, ce monsieur qui me connaissait déjà, ben, je dis, là, j'attends plus, vous faites les travaux comme il faut, intérieur, etc., etc., parce que ça va pas se faire autrement, le problème reviendra, quoi. Et ces messieurs étaient sympas, ces deux messieurs qui étaient là, ils ont fait leur travail vraiment avec amour, avec cœur. Et ben, depuis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de soucis. J'attends quand même un gros coup de pluie, mais je pense que c'est parfait. Je peux dire. Écoutez, on est très content pour votre fille, on est très content pour votre logement, on est content pour vous. Et puis, je dis vraiment merci à Sylvie Cadet hein, de l'agence départementale d'information sur le logement. Et puis, notre émission, hein, grâce à tout ça, on ose faire tout ça, quoi. Sinon, on n'ose pas trop, nous non plus. On est perdus. Vous savez quoi, vous osez surtout, c'est important. Éric Warraud de la Fédération nationale des agents immobiliers qui vient ici une fois par mois, tout comme Sylvie Cadet aussi, donc de l'agence départementale d'information sur le logement. D'accord ? Bien sûr. Merci beaucoup, Amélie. Je vous remercie, c'est moi. Bonne journée, Amélie. Bonne continuation et bonne journée. Quelle bonne nouvelle. Bonne nouvelle. En ce lundi matin. C'est une très très bonne nouvelle. Elle attendait depuis 2011. Hein. Comme quoi, hein, ouais. Avec un petit peu de communication, avec le regard de nos experts, etc. Donc c'est important de pouvoir suivre les dossiers. Allez, on vient vous retrouver au standard de la première dans moins de 3 minutes. Les questions sur votre logement, sur votre habitation, l'état des lieux, on peut en parler, les travaux qui sont à faire dans l'habitation, vos droits et obligations en tant que locataire et propriétaire. 02 62 99 2000. Tous les jours m'irai dans mon phénomène, mi amour et retrouvaté. Comment c'est nous laissons ça nous la laisser? En haut de tout, mi ma tête sans toi, oui. Malé, malé, ré. Faire tuer des caresses sur tous mes premiers août, un mot comme un fou. Nanana, nanana, nanana. Quand Miwa te passe dans le chemin, oh, un petit gars par moi-même, si midi par rien. Comment madame on peut chagrin, oui, m'y aimerait retrouver. Recommencer nos histoires, ça nous l'a laissé. Oh, de doux, m'y aimerait santé, oui, pour les malheurs. Mi fiat la promesse de toujours. jour faire des caresses sur de mes premières roues. Elle manque comme un fou. Mais jure que tout ça l'a pas vrai. Oh, de demi-aime à où? Reviens, maman, doudou. Reviens, maman, doudou. Na na na na na na na na. Toujours faire des caresses sur tous mes premiers roues. Elle manque comme un fou. Oh ma doudou. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oh, depuis qu'elle est partie, midi à toi mon ville est finie. Non, non, moi n'a plus d'espoir. Tous les gens miraient dans le fait noir, ils m'y aimeraient me trouver à terre. Recommencer nous laisser, ça nous l'a laissé. Oh, de doux, m'y aime à tes santé, oui. Moi, les malheurs. Les problèmes que vous rencontrez dans votre logement, vous composez le 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Petite réaction par SMS, je suis locataire d'un appartement, je viens de terminer la rénovation de ma maison et je voulais savoir si je pouvais bénéficier d'un délai d'un mois de préavis pour quitter le logement que je loue. Alors, la rénovation de sa maison dont on est propriétaire et qu'on veut occuper, alors qu'actuellement, a priori, ce monsieur est titulaire d'un bail, ce n'est pas une cause de réduction du préavis. Voilà. Donc, il doit respecter son préavis de 3 mois, comme l'exige la loi. Il a pas le droit de partir, il a pas le droit de quitter. Même si la loi Allure a un petit peu assoupli, on va dire, cette possibilité de réduction de préavis, les cas de réduction possible restent quand même très clairs. C'est voilà, mutation, perte d'emploi, titulaire des allocations minimum, nouvelle. Voilà. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Il n'est pas, pas du tout dans cette situation-là. Parce sauf que, s'il n'a pas dit. Il a rénové sa maison. Peut-être qu'il est muté en même temps. Et je ne sais pas. Hein, mais oui, d'accord. Ouais. Il traverse un nid, il est locataire, il attendait une mutation dans le sud, il a sa maison dans le sud. Oui, et dans ce cas-là, ça pourrait rentrer dans ce cadre. S'il est muté, si c'est lié à. Voilà. Mais si c'est juste pour question de confort, je dirais qu'il espère économiser 2 mois de loyer pour pouvoir occuper sa maison plus tôt. Là, ce n'est pas du tout un cas de réduction. Ce n'est pas possible de vous confirmer, Sylvie Cadet. Hein. Oui, l'article 15 de la loi ne prévoit pas effectivement ce cas de réduction du préavis. Lorsqu'on rénove donc une maison dont on est propriétaire par ailleurs et qu'on souhaite en fait partir plus tôt de sa location. Voilà, donc effectivement... Alors à moins qu'il soit peut-être bénéficiaire de l'AAH. Après, il faut voir s'il fait partie en fait, d'un des cas qui est énuméré par l'article 15 et qui permet justement de réduire le préavis en passant de 3 mois à 1 mois. Maintenant, il faudrait voir peut-être qu'il est dans un des cas, peut-être comme aussi, disait Eric tout à l'heure. Voilà, il faudrait voir effectivement si dans une des situations, mais en tout cas pas la rénovation d'un logement qui se trouve ailleurs. Merci en tout cas pour lui. Alors autre question par SMS, qui prend les décisions pour l'installation? Alors ça c'est vrai que ça fait débat pour les relais téléphoniques près des habitations à 20 mètres sur les toits. C'est un message de Georgette. Qui prend les décisions, Sylvie Cadet? Ces relais téléphoniques en fait que l'on voit sur le toit des immeubles. Je pense que c'est la copropriété. Eric Waro. Oui. Voilà, c'est la copropriété. Oui. C'est-à-dire que c'est un bail qui est signé entre donc, l'opérateur téléphonique et la copropriété. Donc ce sont des décisions qui sont prises en assemblée générale des copropriétaires. Voilà. Mmh. Oui, mais après, concernant la distance, parce que là, Georgette parle de 20 mètres. Ça me paraît peu, 20 mètres. Elle dit qu'elle, je pense qu'elle doit être inquiète surtout pour sa santé, parce qu'on entend beaucoup de choses, etc. Elle n'est pas la seule. Il faudrait que je voie sur le plan technique. Il faudrait que je la rappelle à ce moment-là pour voir s'il y a une distance. Mais je pense que 20 mètres, ça me paraît peu. Mais enfin, bon, là, il faudrait que je vérifie. Là, sous réserve de vérification. Ouais. Georgette, on va se renseigner évidemment pour ces distances, pour ces relais téléphoniques. On vient retrouver tout à l'heure au téléphone Jean-Maurice, et puis alors David également qui est au téléphone. 02 62 99 2000, les experts sont à votre écoute jusqu'à 11h30. L'invité de la matinale. Vous êtes en train de nous parler de vos problèmes quotidiens que tout le monde peut entendre. Nous ne sommes pas une organisation nationale. C'est la question que tout le monde se pose. Paris commande pas nous. Comment on peut la définir, l'égalité réelle? Vraiment, monsieur Dorn. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à un séisme social? Si le combat était perdu d'avance, on le ferait pas. Hein. L'invité de la matinale avec Philippe Dornier du lundi au vendredi à 7h15 et rediffusé à 13h30 sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement, Eric Ouarraud de la Fédération nationale des agents immobiliers qui répondent à toutes les questions. Jean-Maurice de Petite-Île. Bonjour Jean-Maurice. À tout le monde sur le plateau. Bonjour Jean-Maurice. Merci d'être Bonjour. Avec nous. Alors, ce problème de voler, il y a un mois, on en parlait sur l'antenne de Réunion Première, et puis vos volets étaient cassés. Hein. Voilà, en fait, ils étaient cassés. Alors, juste avant, un petit point météo, comme d'habitude. Alors, ce petit petit gros soleil, légèrement monté, mais aujourd'hui, super temps. Voilà, c'est dit. Bah, écoutez, c'est pas le cas ici. On va quitter Saint-Denis, on vient chez vous, d'accord? Il n'y a aucun souci, il y a ta place. Voilà. D'autant plus que Petite-Île, c'est la capitale des agrumes. Oui, exactement. C'est ça, voilà. Un connaisseur, voilà. De l'ail aussi. L'ail aussi, oui. L'ail pays. Encore. Bon, on parle un peu de ce qui vous concerne. Voilà, c'est qui nous ramène. Alors, allons-y à l'essentiel. En fait, il y a quelques temps, donc, j'avais appelé donc, à l'occasion de votre émission. C'était pour dire que les volets donc, ne fonctionnaient pas. Suite à vos conseils, donc, j'ai fait un courrier recommandé à ma propriétaire, qui a très bien réagi, qui m'a mis en contact avec cette société. Et hasard du calendrier, cette société vient de passer ce matin et a fait des réparations. Donc, on va dire que c'est une belle histoire. C'est parfait. Alors là, on a que des bonnes nouvelles et grâce aux experts de Réunion Première. Écoutez, donc là, ils étaient chez vous ce matin? Oui, tout à fait, à 8h15, exactement. À 8h15, ils savaient qu'on revenait ce matin. Mais voilà, on va dire que c'est vrai que ça s'est bien passé. C'est vrai. Donc alors, du coup, les travaux, c'était pas votre charge? Non, tout à fait. Là, suite au conseil des experts, effectivement, dans la foulée, j'avais fait mon courrier recommandé. La propriété a accepté en disant, effectivement, si ça change. Donc, ce matin, ils sont venus et voilà, tout va bien. Elle est pas belle, la vie? Ah, bah, elle est très belle, la vie. Ouais, ben voilà. Je trouve ça merveilleux. Hein. C'est un lundi matin, alors que c'est la grosse galère pour rouler. Ouais. Là, on a beaucoup de bonnes nouvelles. On a des auditeurs qui sont très contents de ce qui se passe, notamment dans leur habitation, dans leur logement. Donc, du coup, vous avez essayé avant qu'ils partent, ça marche, c'est bon, ça fonctionne bien. Tout à fait. Ils ont remplacé les quatre mécanismes des volets. Il y avait deux fenêtres et deux portes fenêtres. Donc ça a été fait, donc c'est vrai que ça fonctionne bien. Je pense que je vais passer une très bonne nuit ce soir. Ah bah super. Vous allez être tranquille. Merci Jean-Maurice. Merci à vous pour cette émission, surtout bonne continuation. Merci pour cette bonne nouvelle. À bientôt. Bonne journée. Vos droits, vos devoirs et obligations, si vous êtes locataire et propriétaire, on en parle sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. David, bonjour David. Bonjour monsieur. Bonjour David. Bonjour à tout le monde. Là maintenant je me souviens plus trop de ma question. Ah oui, c'est la caisse des consignations. Voilà. Par exemple en matière de différents, je dirais, hein, commercial. Oui. Parce que j'ai pensé tout à l'heure à une locataire qui n'arrivait pas à faire réagir son. Oui, oui, tout à l'heure, elle disait qu'elle n'arrivait pas à trouver son propriétaire, c'est ça, oui. Voilà. Moi, j'ai pensé, est-ce que le locataire, elle peut déposer le loyer à la caisse des dépôts et des consignations jusqu'à ce que la signature sur le contrat revienne, quoi, en fin de compte. Ou déposer l'argent du loyer, c'est ça? Voilà, oui. Déposer de l'argent à la Caisse des dépôts et des consignations. Sylvie Cadet, oui. Non, on préfère en fait qu'elle se charge en fait de retrouver l'adresse de la personne. C'est vrai que quand il y a un problème au niveau des obligations, parce que c'est vrai qu'il y a un texte récent maintenant qui prévoit de nouveau la consignation facilitée, parce que effectivement auparavant il fallait autorisation d'un juge, nécessairement du tribunal d'instance, donc il y a eu une simplification à ce niveau-là. Mais par exemple, depuis le 1er octobre d'ailleurs, hein, donc depuis tout récemment, mais dans son cas on préfère qu'elle essaye donc de retrouver l'adresse du propriétaire, puisque de toute façon, bon, c'est vrai qu'il ne donne pas signe de vie, mais... Moi je voulais ouvrir un dossier à la maison de droit et justice, à un médiateur. Oui. Est-ce que c'est possible? Parce que, alors, attendez, vous êtes dans cette situation-là, vous? Quel est votre problème? De mon entourage. Dans votre entourage. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sans rentrer dans le détail, hein? Pas de vie privée, c'est pas ça, mais dites-nous un peu plus, s'il vous plaît. Ben, ils reçoivent pas, enfin, ils demandent à payer, par exemple, le taxe des ordures ménagères. Oui. C'est pas réparti comme qu'il faut. Oui, ouais. Etc. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. Alors, on va répondre sur ce dont vous nous parlez alors, hein, puisque vous nous parlez de la taxe d'allègement d'ordures ménagères. Il s'agit de votre propriétaire ou du propriétaire de quelqu'un que vous connaissez? De quelqu'un que je connais. Voilà. Alors, parce que vous voyez, dans le contrat de location, doit apparaître pour cette personne que vous connaissez un loyer principal. Et puis, vous avez aussi une provision sur charge. Alors, s'agit-il d'une maison qui est en location ou d'un appartement? C'est un appartement. Voilà. Alors, donc, pour la provision sur charge, vous avez ce qu'on appelle les charges récupérables, et puis vous avez aussi toute une partie concernant donc la copropriété, les charges de copropriété. Donc, il y a toujours, donc, une régularisation dite annuelle. Et grâce à cette régularisation annuelle, cela va permettre à cette personne de voir si elle paye suffisamment au niveau de la provision sur charge ou insuffisamment ou peut-être trop. Donc, cette régularisation va permettre de faire le point sur les sommes qui ont été versées. Voilà. Donc, quand vous dites que pour la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, le propriétaire réclame trop, il faut voir, parce que en fonction des charges de copropriété et de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, il faut voir si la somme qui est versée au titre d'une provision sur charge couvre ou non tous ces frais-là. Voyez. Donc c'est difficile d'y répondre comme ça sans avoir le détail, mais en tout cas, depuis quand cette personne locataire? Sinon, par exemple, un médiateur de maison de droit peut intervenir dans cette affaire? Oui, mais il faut d'abord être sûr. Est-ce que cette personne que vous connaissez reçoit les régularisations? Oui, elle l'a reçu. D'accord. Et grâce en fait à ces documents relevés, donc qui ont été fournis, c'est ça qui vous permet de dire que finalement la personne paye trop. D'accord. C'est une question que je vous posais. C'est ça qui vous permet en fait de dire que la personne qui est la locataire paye trop. Paye trop par rapport aux autres. D'accord. Bon, écoutez, ce serait peut-être bien de venir tout de même voir la DIL, l'un d'entre nous, hein, pour qu'on puisse déjà vous donner notre avis par rapport à tous ces justificatifs qui vous ont été envoyés à cette personne par son propriétaire bailleur. Hein. Vous êtes de quelle commune? Commune du Sud. D'accord. Alors nous tenons. Bon, si vous ne pouvez pas donner la commune, c'est pas grave. Alors, nous tenons. C'est une petite commune là où il y a la plaie là. Ah oui, mais on la connaît alors. On l'a évoqué tout à l'heure. Bon. Donc j'ai une collègue qui va donc le mardi matin. Oui, parce qu'on va quand même rappeler que. Voilà. Non, mais écoutez David, parce que la DIL aussi tient des permanences dans les mairies. Donc à la fin de l'émission tout à l'heure à 11h30. Vous aurez le numéro de téléphone et puis n'hésitez pas à vous rapprocher de la DIL pour réserver donc une... Oui, un rendez-vous pour la fixation d'un rendez-vous hein, pour cette personne. D'accord. Merci David. Elle reviendra avec ses documents. C'est moi, merci. Bonne journée David. À bientôt, merci à vous. À très bientôt sur Réunion Première. Gérald est avec nous. Gérald? Allô, Gérald. Oui, allô. Ah bah dis donc, vous êtes de Petite-Île aussi? Ah. Oui, voilà. Bonjour Gérald et bonjour Petite-Île. Bon, mais écoutez, vous très êtes très écouté le... à Petite-Île. Voilà, oui. Alors, vous êtes le troisième là qui nous appelle de Petite-Île. Allez-y. Oui, voilà. C'est pour une question de pour les SPA. Oui. Oui. Hein oui. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai un locataire. Oui. Je suis propriétaire, mais je loue ma maison. Mais ils ont supprimé la ligne de téléphone pour mettre Internet. Ils ont pris un... Comment quoi, il s'appelle un spécialiste. Oui, ouais. Et quand ils vont partir, comment ils vont faire? Non, comment vous allez faire surtout? Oui, c'est ça. Moi, je parce que alors vous êtes propriétaire, c'est ça. Oui. Votre locataire a coupé la ligne téléphone. Voilà. Déjà, alors est-ce que déjà dans un premier temps, est-ce qu'il a le droit, le locataire, de couper le téléphone alors, ou pas quand, Sylvie Cadet. Quand vous dites qu'il a coupé, c'est-à-dire que parce qu'en fait vous aviez cette ligne, elle existe. Hein, donc ils ont clôturé l'abonnement. Non, bon, mon abonnement a toujours été depuis bon, oui. Pas mal de temps. Et là, ils ont supprimé la ligne. Ils ont raccordé, ils ont monté avec quelqu'un qu'ils connaissaient pour mettre Internet et tout. Ils ont supprimé la ligne complètement. Ils m'ont dit qu'ils ont supprimé la ligne. Et quand ils vont partir, comment moi, je vais le faire? D'accord. Pour récupérer ma ligne. Oui. Alors. Et... Oui. Allez-y, vous vouliez dire quelque chose. Hein. Non, c'est bon. Parce que bon, oui. Là, il y a. Bon, dans la maison, il y a 5 prises de téléphone. De téléphone, oui. Et là, maintenant, il y en a plus, ils ont branché sur Internet, ils ont supprimé la ligne, ils ont branché directement Internet. D'accord. Gérald, on a toutes les données. S'il nous manque autre chose, on va se pencher dessus, évidemment. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Réunion Première, d'accord? Okay. Vous restez avec nous. On va apporter des réponses à vos questions. Et puis, j'invite aussi les auditeurs à composer le 02 62 99 2000 par SMS 06 92 70 2000. Sylvie Cadet et Eric Waro sont les experts du logement ce matin. Sois là où vont mes pas. Il me faut ta présence. Réponds-moi. J'ai cherché l'amour où il n'était pas. La clé de ma destinée dans ta poche. Je vois le mal où il n'est pas. Et tu m'aides à rester debout quand c'est dark. J'ai besoin des autres et peur d'être à part. Tu me permets de tenir quand je décroche. Je sais que tu es là quelque part. Si je te perds, c'est de ma faute. Car je combats mes démons. Rien n'est impossible. Et m'y connais maintenant. M'y péconcilie. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Que mon chemin s'éclaire. Être sous sa lumière. Et si je suis tête en l'air, c'est pour la sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. Auprès de toi, ce chemin me paraît moins long. Et je sais, oui je sais, que je peux compter sur mon étoile. Je sais qu'elle sera toujours là. Juste là avec moi. Je sais que je peux compter sur mon étoile. Yeah. J'ai rêvé d'aller là-haut. L'Anouchka sur Réunion Première. Merci d'écouter Réunion Première. Les experts reviennent juste après l'info de 11h. Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Trois jours après le départ d'un feu de broussailles à la montagne, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre sur la falaise qui surplombe la route en corniche. On estime à 70 hectares la superficie brûlée, mais il restait encore ce matin un foyer actif et difficile d'accès le long d'une paroi. Un feu de végétation qui provoque d'importantes perturbations sur le trafic routier en ce lundi matin, car la route du littoral est toujours partiellement basculée côté mer. On roule seulement sur une voie entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe dans le sens nord-sud. À midi, nous ferons un point sur la situation de l'incendie et celle de la route du littoral qui en découle. Sur la route, la gendarmerie a mené des contrôles tout le week-end. 176 infractions ont été relevées, dont 125 excès de vitesse. 13 permis ont été retirés. Les motards de l'escadron départemental de la sécurité routière, le DSR, ont également intercepté 19 personnes qui téléphonaient au volant et 18 qui conduisaient avec de l'alcool dans le sang. Politique, alors que le Parti socialiste vient d'établir les règles du jeu pour l'organisation des primaires en vue de l'élection présidentielle 2017. La campagne des primaires de la droite et du centre bat son plein. L'un des favoris, Alain Juppé, est allé à la rencontre des ultramarins de l'Hexagone ce week-end. Reportage dans notre édition de la mi-journée. Les écologistes, eux aussi, préparent leur primaire pour la présidentielle à laquelle ils iront seuls, tout comme aux législatives. Les primaires chez les Verts seront au menu de l'émission politique de la rédaction de Réunion Première ce soir, puisque c'est le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, conseiller municipal de Saint-Denis et président de la commission transport et déplacement à la Cinor, Jean-Pierre Marchaud, qui sera devant la Réunion ce soir à partir de 18h15 et jusqu'à 19h sur Réunion Première Radio. Jean-Pierre Marchaud qui parlera aussi des polémiques autour des carrières, alors qu'hier, près de 5000 personnes ont formé une chaîne humaine dans l'Ouest pour dire non à l'exploitation d'une carrière sur le site de Bois Blanc. Une manifestation organisée par le collectif Touche pas notre roche, farouche opposant au projet. Le député maire de Saint-Le, Thierry Robert, faisait partie des manifestants. Il y avait aussi le maire des Avirons, Michel Denemont. Ces manifestants dénoncent les conséquences écologiques de la création d'une carrière à Bois Blanc et les nuisances subies par les habitants du secteur. En sport, fin hier de la 13e journée de D1R. La Petite Île a battu la Capricorne 3-0, 0-0 entre le SDFA et les Marsouins de Saint-Leu. Score nul et vierge également dans la rencontre opposant le Saint-Denis FC à la AS Sainte-Suzanne. Samedi, la Sainte-Marienne s'était imposée 3-1 sur le terrain de la Saint-Pauloise. Sainte-Marie qui pointe du coup à un point du leader Saint-Pierrois au classement. Mais les Cigognes ont un match de retard. La JSSP se trouve actuellement aux Seychelles pour la Coupe des clubs champions. Saint-Pierre affrontera ce soir à 17h les Mauriciens du cercle de Joachim. Et puis, avant de passer à l'actualité nationale et internationale, vous rappelez que C'est dans l'actu, ce lundi midi à 12h15 sur notre antenne, sera consacré à l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, aux mesures en faveur des maisons propres sur le plan énergétique, aussi bien pour la construction que pour la rénovation. Philippe Dornier, ses invités attendent vos questions et vos réactions par téléphone au 0262 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000, également via Twitter avec le hashtag CDLA Première et sur la page Facebook de l'émission C'est dans l'actu. Que se passe-t-il en France et dans le monde? La réponse de France Info. Les manuels scolaires français dans le viseur du pape François. Il les accuse de propager la théorie du genre. Le souverain pontife cite l'exemple d'un père de famille dont le fils lui annonce qu'il veut devenir une fille. Des paroles légères et infondées. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, sur France Inter. Kim Kardashian, braquée en plein Paris cette nuit, la star de télé-réalité américaine, se trouvait dans une résidence de luxe quand 5 faux policiers sont entrés et ont menotté son garde du corps, montant du butin près de 10 millions d'euros de bijoux. En Hongrie, le Premier ministre ultra-conservateur Viktor Orban veut désormais faire modifier la Constitution. Son référendum anti-migrant n'a pas été validé hier soir, moins de 50% de participation, alors que le non à la politique d'accueil des réfugiés avait recueilli plus de 98% des voix. En Colombie, moins d'une semaine après un accord historique, l'accord de paix avec les FARC est rejeté, 50,2% de non, mais le cessez-le-feu avec la guérilla après 52 ans de conflit armé est maintenu, assure le pouvoir. La Colombie prétendante au prix Nobel de la paix qui voit sans doute ses chances de gagner s'éloigner. Le lauréat sera connu vendredi. Ce matin, c'est le prix en médecine qui est décerné pour le début de cette nouvelle saison des Nobel. En football, la victoire de Lyon contre Saint-Etienne 2-0. En remportant ce derby, l'OL remonte du même coup à la 5e place. Nice et Mario Balotelli sont toujours en tête de la Ligue 1. Un coup d'œil sur la météo. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. Allez, on profite encore de ce beau soleil sur l'ensemble de notre île. On est tous invités à Petite Île parce qu'il fait beau. Merci aux auditeurs de la première. D'ici quelques heures, nous verrons apparaître les nuages à mi-hauteur. Il y aura du vent aujourd'hui, des rafales pouvant atteindre les 55 km/h. Ça va souffler sur la plaine des Caf, sur le Maïdo et au volcan. Boostez votre journée en suivant la météo avec Fanamalt, boisson énergisante. À mes côtés, jusqu'à 11h30, les experts du logement, Eric Ouarraud de la Fédération Nationale des Agents Immobiliers, Sylvie Cadet de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement, les questions au standard avec Mathias au 02 62 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Soleil cadeau bon Dieu, là pas besoin rôter quand le soleil est brillé pour notre île, quand la pluie est fan, les bouches en canne. Et lui dit bonjour, tu montes, elle dans le ciel, dort en pas. Lève les yeux, mon roi, ça même nous l'espoir. Quand le soleil échauffe, mets ta lit en l'air, échauffe que mon petit zézène, un de ou va faire un prière. Juste après la nuit, mi espère, nous va voir le jour. Oui, ma dira toi, ça y appelle partout, beauté, lumière, l'amour, beauté, il brûle toujours. Puis nous va trouver, comme ça nous ça fait pour nous, enfants sortant de feu noir, demain il sera plus gaillard. Chapeau sur mon tête, puis ça va chanter dans le chemin. Soleil fait la fête, ça mène nous destin. Allons battre carré, souviens ta marraine, à boire café de bon matin. Là, pas besoin d'aller trop loin. Et sous la vente, on va voir voler la pavane. Dans le ciel, un cerf-volant, dans mon cœur, un volcan, beauté. Lumière, l'amour, beauté, il brûle toujours. Arnzour. C'est signé Tabou sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il vous reste 20 minutes pour contacter Mathias au standard de la première. 02 62 99 2000. Vos droits et obligations en tant que locataire, mais aussi propriétaire. Nous avons retrouvé Gérald au téléphone. Cette histoire de téléphone, c'est plutôt l'abonnement qui a été coupé, Gérald, c'est ça? Oui, voilà. Votre abonnement, hein? Oui. Allô? Oui. Bon, allô? Allez-y, oui. Allez-y, Gérald, oui. Oui, vous m'entendez? On vous entend très bien, alors, Gérald. Allez-y, allez-y. Oui, voilà, bon, parce que bon, moi, ça fait pas mal de temps que j'ai ma ligne. Oui. J'ai toujours laissé là parce que c'est plus le fixe. Oui. Et là, maintenant qu'ils ont coupé ils ont supprimé la ligne. Oui. Et ils ont monté des plafonds pour raccorder tous les câbles pour amener dans les. Comment quoi avec les prises. D'accord. Est-ce qu'ils ont le droit à faire un truc pareil? Alors, est-ce que c'est légal déjà, hein, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Est-ce que c'est légal? Oui, oui. Éric Ouarraud de la Fédération nationale des agents immobiliers, Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement répondent à vos questions. Éric Ouarraud, alors, il est en train de parler de l'abonnement, hein, alors, c'est ça? Si c'est l'abonnement, a priori, physiquement, la ligne téléphonique, elle existe toujours. Elle est là. Elle est là, puisque oui, s'ils ont Internet, c'est que ça passe bien par un. Forcément, oui. Un câble, un tuyau, vous appelez comme vous voulez, mais forcément. On n'est pas technicien. Hein, voilà, exactement. Après, c'était sur l'abonnement à lui, donc avec un opérateur, mais le locataire qui va occuper le logement, il peut prendre un abonnement après avec qui il veut. Il a le droit, hein, le locataire. Bien sûr qu'il a le droit. Après, au niveau, on va dire, pratique physique, oui. Si monsieur, là, il parlait de ses prises de téléphone, il avait 5 prises dans cinq sa maison. 5 prises, oui. S'il les a notées, oui. Si vous les avez notées à l'état des lieux, et vous souhaitez oui, que oui. Les prises oui. Soient toujours là lorsqu'ils s'en vont. Oui, les prises sont toujours là, si c'est noté dans l'état des lieux, il n'y a aucun souci, ils vous remettent les prises si elles n'y sont plus, et vous pouvez exiger qu'ils vous les remettent. Non, mais excusez-moi, monsieur. J'en prie. Comme ils ont coupé les câbles dans mon plafond. Oui, alors là, c'est ça qui nous embête un peu. Ouais, c'est donc, on a coupé. Oui. On a coupé les câbles. On a. Ils ont coupé les câbles dans le plafond parce que bon, c'était des câbles qui passaient dans les gaines. Bon, c'est des gaines. Oui, oui. Ils ont tiré un peu dessus et puis pour couper et puis pour raccorder. Pour raccorder, etc. Pour mettre une prise plus proche peut-être d'un appareil, c'est ça? Non, même. Ils ont coupé, ils ont raccordé avec ils ont pris un antenne radio. Ils ont fait tout, je ne sais pas. Voilà. Ils ont fait ça. Oui. Sylvie Cadet, oui. Alors, vous avez, bonjour, monsieur. Vous avez constaté, en fait, qu'ils avaient coupé certains câbles, oui, oui, ou alors oui, on vous l'a dit? Oui, oui. Bon. Alors, bon, de toute façon, quand vous avez mis en location votre bien, est-ce que vous vous souvenez à quelle date, hein, la mise en location était intervenue? Ça va finir, le bail qui va finir le 1er novembre. Premier novembre dans de cette mois. Année, d'accord, oui. Donc 2013, ok. Donc c'était avant la loi Allure. De toute façon, bon, vous, quand vous avez fourni, quand vous avez mis en location, oui. Vous aviez donc prévu donc, cette ligne téléphonique qui existait déjà et qui pouvait servir aussi pour Internet. Maintenant, s'ils ont modifié quelque chose, cela veut dire qu'ils ont modifié ce que vous aviez mis à disposition. Alors, si effectivement ils ont modifié, il faudra bien l'inscrire dans l'état des lieux de sortie. Et le coût du rétablissement, en fait, sera oui. À la charge du locataire. Oui. Mais est-ce que vous pouvez établir ce que vous aviez mis à disposition? Mais moi, est-ce que vous avez bien indiqué dans le contrat de location à l'origine cette non, possibilité d'accès. Bon, j'avais un comment quand ils ont rentré chez moi. Oui. J'avais un comment un carail. Je vais pas citer de. Oui, une parabole. Oui, oui. Oui. Voilà. Oui. Et, ils m'ont dit bon, donc, j'ai cité, là c'est bon. Bon, il y a la télé dans les chambres. Oui. Et il y a D'accord. Alors, on est vraiment sur les droits et oui, les devoirs du locataire. Alors, dans un premier temps, est-ce que le locataire avait le droit de couper ses câbles, etc. Alors, en fait, si effectivement il s'agit de... Bon, par rapport à l'élément d'équipement qui a changé, pour vous, en tant que propriétaire, ce qui est important, c'est de pouvoir établir ce que vous aviez mis à disposition. Alors, quelquefois, ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne l'a pas spécialement inscrit. D'autant plus qu'il y avait une obligation avant la loi Allure, parce qu'il nous a parlé de 2013, avant la loi Allure, il y avait une obligation effectivement par rapport aux éléments concernant la télévision. Mais c'est seulement avec la loi Allure qu'il y a eu cette obligation de donner une information quant à la possibilité ou non d'avoir Internet. Enfin là, je simplifie. Hein, oui. Donc ce qui fait que quand vous avez signé, je ne sais pas si vous l'avez indiqué de façon très claire dans votre contrat. Si vous ne l'avez pas indiqué de façon claire, ça peut être un peu gênant par rapport à l'état des lieux de sortie, mais ce qu'il faudrait faire, c'est bien indiquer dès à présent et même envoyer un courrier à votre locataire dans lequel vous lui indiquez que vous avez constaté qu'il a coupé les fils, comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau des plafonds, etc. C'est-à-dire que vous décrivez ce qui s'est passé pour qu'au moment de l'état des lieux de sortie, vous puissiez indiquer si l'élément d'équipement est moindre, voyez, puisque là, vous nous dites qu'il est intervenu sur ce que vous, vous aviez mis en place. Et oui, si mais, tout... D'accord. Le fait qu'il, est, qu'il soit intervenu... Allez-y, dites-moi. C'est pas le premier locataire, c'est pas la première fois que je loue la maison. Oui, oui, non, mais ça... Je suis content dedans. D'accord. Et là... j'ai mis le parabole, dans toutes les chambres, il y a une prise de télé, il y a tout. Oui, d'accord. Alors, c'est comme je vous disais, s'il est intervenu sur l'existant, c'est-à-dire sur ce que vous aviez mis à disposition, envoyez dès à présent un courrier pour faire part justement de votre désaccord parce qu'il est intervenu sur effectivement ce qui existait. Ouais, ouais. Maintenant, il est possible que ce qu'il a mis en place soit encore mieux sur le plan technologique. Alors là, par contre, je ne pourrais pas vous dire si c'est mieux ou moins bien. Je ne pourrais pas venir sur place pour constater. Ça, c'est sûr, elle a dit, on ne peut pas faire ça. Maintenant, si vous souhaitez que ce soit le même élément d'équipement et ce que vous aviez mis à disposition qui réapparaisse et que vous demandez que ce soit remis en état, il faudra bien l'inscrire au moment de l'état des lieux de sortie. Et dès à présent, envoyez aussi un courrier qui décrit ce qui a été fait. D'accord ? Sans votre autorisation, je suppose. Voilà, Gérald, vous faites ce courrier, et puis on revient vers vous dans quelques semaines pour voir si cela aboutit à quelque chose. D'accord ? Je pourrais poser une petite question, vite fait. Mais alors, une petite, parce qu'il y a du monde au standard après. Allez-y. Pour le bail qui finit le 1er novembre. Oui. Est-ce que je refais un nouveau de contrat de bail ou sinon avec l'état des lieux ou ça sort directement. Éric Barreau. Vous m'enlevez la question de la bouche parce que quand vous dites que le bail se termine le 1er novembre. Quel type de bail vous avez signé avec votre locataire? C'est un bail de 3 ans. Habitation principale. Oui, voilà. Donc, il ne se termine pas. Effectivement, c'est le terme du bail initial, donc du premier bail de 3 ans. Mais si personne ne l'a dénoncé, c'est-à-dire que si vous n'avez pas donné vous-même congé au locataire ou si le locataire n'a pas donné congé, donc ce qu'on appelle son préavis, le bail, il est tacitement renouvelé pour 3 ans. Donc, le bail ne se termine pas le 1er novembre. Il sera renouvelé. Renouvelé. D'accord, Gérald ? Mais comme eux, ils vont partir, et s'ils veulent partir, ils me donnent un préavis. Le préavis. Voilà. Un préavis de 3 mois. Exactement, sauf cas particulier dont on a parlé tout à l'heure. Mais ils doivent donner effectivement un préavis de 3 mois. Vous pouvez venir 3 mois à l'avance qu'ils veulent partir. Oui, c'est ce qu'on a... Merci, messieurs. Alors, attendez, parce que Sylvie Kédé voudrait rajouter aussi quelque chose. Allez-y. Oui, en fait, c'est une reconduction tacite qui va se faire là, en fait, au 1er novembre 2016. Et le locataire, effectivement, peut donner congé à tout moment. Voilà, à condition de respecter le délai congé de 3 mois ou 1 mois, s'ils ont droit à un préavis réduit. Merci, Gérald. Et moi, comme je suis propriétaire, c'est 6 mois. C'est 6 mois oui, avant la... le terme du bail. Il est trop tard là pour novembre 2016. Voilà, mais c'est important. Je comprends, Gérald, parce que c'est important de. 6 mois avant novembre 2019. De connaître ses droits. Merci à vous, Gérald. D'accord, merci. Et puis alors, au revoir. Attendez, mais dans tous les jours. Alors, c'est pour ça. Vous nous écoutez tous les jours. Merci de votre fidélité. Parce que c'est vous. Mais parce que c'est vous, hein. Parce que c'est vous. Merci. Dans 10 minutes, je vous laisserai le téléphone de la DIL, l'Agence départementale d'information sur le logement, et de la Fédération nationale des agents immobiliers pour en savoir un peu plus, évidemment. Allez, puis on ira tout à l'heure sur Saint-Paul retrouver Patrick au téléphone. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'aimons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche l'État. On veut savoir ce qu'on veut à la Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier, du lundi au jeudi, dès 12h15, sur Réunion Première. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce que tout le monde est dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Matin, plus de motivation que du chagrin. Et si l'harmonie ferme ses portes, le couloir de la mort sans escorte. Et dehors ceux qui pleurent sur leur sort essuieront les larmes de mon corps. Une vie sans blessure, c'est trop long. Prends le cash et te pose pas de questions. Au-delà de mes espoirs conditionnés, acrobatique, les sentiments deviennent chimiques. Tu donnes, t'as rien en retour. Il se barre avec une autre, ton amour, qui viendra bousculer mes habitudes, qui viendra me faucher ma solitude. Habiter sur l'échafaud de la maille, je retourne d'où je viens dans ma grisaille. Au-delà de mes espoirs conditionnés, je voudrais tout envoyer. Propriétaire peut-il garder les doubles de clés de son locataire? Est-ce que les dégradations, notamment causées par un cambriolage, est-ce que ces travaux qui sont à faire après ce vol, ce cambriolage, est-ce que c'est à la charge du propriétaire et du locataire? On en parlera dans un instant avec les experts. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Patrick est au téléphone de Saint-Paul. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick. Vous allez bien? Ça va, oui. Et vous? En il semblerait qu'il ne fait pas très beau chez vous, c'est ça? Ouais, mais bon, le temps est un petit peu couvert, mais ça va. Ici, il pleut. Hein. Ça va, tant qu'il y a la santé, c'est bon. Bon, alors, vous avez une question. Vous êtes propriétaire, oui, d'un terrain? Oui, voilà, je suis propriétaire d'un terrain. Oui. Samedi, donc, je vais préparer mon terrain, mais j'arrive, je vois mon terrain clôturé. Oui. Et on me dit que c'est la DAF qui a pris la décision de leur proposer mon terrain. Je suis étonné, je dis, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vais voir la DAF, mais je lui demande... quel recours que j'ai, parce que bon, je suis agriculteur, je vais planter mon terrain, je trouve mon terrain occupé. du jour au lendemain. Votre terrain est occupé du jour au lendemain, comme ça? Oui, clôturé. Clôturé? C'est un terrain agricole. Oui, c'est un terrain agricole, voilà. Il y a votre exploitation dessus? Non, mon exploitation est plus bas. Là, je continuais mon exploitation en disant, bon, maintenant, je continue. J'ai préparé déjà le terrain, j'ai nettoyé. Oui, non. Et j'arrive, je vois mon terrain, propriété que depuis 30 ans, quoi, 25 ans. Oui, non. Qui est occupé en me disant, oh, la DAF a fait nécessaire. Bon, ça, c'est leur parole, hein. Oui, alors, mais vous n'étiez pas au courant, aucun papier, aucun courrier Rien. Non, ni en accusé de réception, ni simple, peu, rien. Je suis un peu étonné. Sylvie Cadet, vous avez déjà entendu ce genre d'histoire là? Oui, c'est assez étrange. En fait, on n'a pas la possibilité en fait, de clôturer le terrain d'autrui et puis de se l'approprier. Ce qui est important pour nous en droit français et dans d'autres droits aussi, c'est le droit de propriété. Donc en fait, vous êtes propriétaire de votre bien, à moins qu'il y ait, donc comme vous, il n'y a pas eu de procédure spécifique mise en œuvre. Vous n'avez jamais reçu de courrier, il n'y a pas eu d'action, rien du tout. Quelle est la superficie de ce terrain qui a été clôturé par la DAF? Le terrain fait 47 000 mètres carrés. Oui. La partie qui a été clôturée doit être autour de 10 000 mètres carrés. D'accord. La partie que j'ai nettoyée, quoi, surtout. D'accord. Bon, alors en fait, vous êtes allé les voir. Donc, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Moi, déjà, quand je suis parti sur le terrain, j'ai vu le terrain, j'ai vu qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Puis une voiture qui s'arrête, me dit, mais qu'est-ce que vous faites sur mon terrain? Il me dit, ah, après, il me dit, ah, monsieur, c'est vous. Je dis, oui, il me dit, mais comment ça se fait que mon terrain, vous savez, qui c'est qui a fait ça? Ah, dis-moi, j'ai fait parce que j'avais besoin et la DAF m'a donné l'autorisation. Ah, d'accord. Donc, c'est un tiers qui s'est permis de clôturer votre terrain. Oui, ah oui, donc là, ça... Pas clôturé avec un muret, mais mettre du grillage autour, quoi. Ah non, mais là, c'est complètement interdit. Oui, donc là, il faudra... De toute façon, ce bien qui a été clôturé par autrui, tout ce qui a été fait sur votre terrain vous appartient. Donc, du coup, ça peut être intéressant pour vous qui avez clôturé votre terrain, mais ça reste votre propriété. Le changement qui peut intervenir au niveau d'un notaire. Vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas donné votre terrain, et il n'y a pas eu de mesure d'expropriation qui aurait été prise contre vous. Bon, donc ce bien, il reste à vous, tout simplement. D'accord. Patrick. Non, mais il faut que je règle ça officiellement. Oui. Une clôture, quelque chose de physique sur mon terrain. Non. Il y a un portail qui a été mis aussi, ça vous ne pouvez plus accéder. C'est pas un portail, ils ont mis un grillage orange là pour signifier quoi, simplement, pour signaler. Oui, ça reste votre propriété. Alors, est-ce que c'est possible, Sylvie Cadet, qu'on le rappelle après pour lui donner beaucoup plus d'informations Il viendra nous voir. Loin, vous viendrez nous voir. Vous ramènerez votre acte de propriété. Bien sûr. Et puis, vous nous ferez juste une photo de ce qui a été fait, comment ils ont installé la clôture. Mais de toute façon, c'est votre propriété. On ne peut pas s'approprier le bien d'autrui. Heureusement. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que vous n'avez reçu aucun courrier. Voilà. Donc, écoutez, Patrick. Mais savez-vous que la personne qui l'a fait connaissait mon numéro de téléphone, mon adresse, mon lieu d'habitation, rien de rien. Patrick, on a votre numéro de téléphone. Je vais transmettre vos coordonnées à Sylvie Cadet de l'Agence départementale d'information sur le logement. Elle va mener sa petite enquête. Dans son bureau tout rose, c'est ça? Il n'est pas rose. Mais Patrick, on se charge de votre histoire, d'accord? Très bien, je vous remercie. Merci Patrick. À très bientôt, Patrick, sur Réunion Première. Au revoir. Merci beaucoup. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Alors Christian de Saint-André qui dit « Je suis propriétaire, j'aimerais savoir si je n'ai pas loué mon bien pendant une année. S'il y aurait une taxe d'habitation à cette même adresse qui me serait imposée et la taxe d'ordure ménagère sera-t-elle également imposée même si le logement n'a pas été occupé pendant une année ?» Sylvie Cadet. Il faudrait se baser par rapport au 1er janvier. Alors là, il dit que ça n'a pas été loué pendant une année. Pendant ça veut dire que... Au 1er janvier donc 2016, le bien était certainement vacant. Oui. Donc il faudrait qu'il donne cette information-là, de façon à ce qu'il puisse bénéficier donc de l'exonération. Donc c'est une vacance pendant 3 mois, si mes souvenirs sont bons. Et à ce moment-là, effectivement, il pourra obtenir l'exonération en fait pour l'année en question. Il doit se rapprocher des finances publiques, c'est ça? Oh oui, de la direction. Sans des impôts. Ça, sans des impôts fonciers, tout à fait. Je voulais aussi voir. Donc ça veut dire que ça fait plus d'un an. Là, on est en novembre. Ça veut dire que ce serait depuis. Enfin, si en tout cas on se base par rapport, voilà, ce serait octobre 2016. Oui, donc c'est ça. Donc ce serait pour l'année en fait 2016. Maintenant, il faut voir quand est-ce qu'il va remettre en location. Et au 1er janvier 2017, si de nouveau il a un locataire, ben c'est le locataire qui paiera à ce moment-là. Hein. Oui, je confirme. En fait, vous payez la taxe d'habitation sur un logement que vous occupez, ou à titre de résidence principale, ou à titre de résidence secondaire. Lorsque le bien est mis en location, voilà, il faut prouver par contre au centre des impôts que vous avez fait des démarches, que c'est un bien qui est en location, et que pour l'instant vous n'avez pas trouvé le locataire. Et à ce moment-là, effectivement, comme disait Sylvie Cadet, normalement, le service des impôts, il dégrève au niveau de la taxe d'habitation. Voilà, Christian, donc, pour répondre à votre question. Alors, cette question-là qui inquiète pas mal d'auditeurs, c'est est-ce que le propriétaire a le droit de garder les clés de sa location, donc de son logement? Éric Warreau. Non, il n'a pas le droit. Doublement non. Non, doublement non. C'est que... Nous sommes d'accord tous les deux, si vous voulez voir. J'ai l'impression que ça arrive. Bah, ça arrive parfois, souvent par méconnaissance. Par méconnaissance, ou souvent le propriétaire a du mal à transmettre, je dirais, son droit de propriété. Son bien. Voilà, c'est-à-dire qu'il dit une meilleure location, mais ça reste à lui. Et je donc, donne, je donne pas. Voilà, est-ce que je donne les deux clés? Je garde une clé pour moi, c'est quand même chez moi, et c'est mon bien, c'est ma maison, mon appartement. Alors, le jeu de clés au départ, c'est deux clés, trois clés, En général, on donne toujours deux clés. Deux clés. Deux clés au locataire. Ouais. Sachant qu'un canon neuf, il y a toujours trois clés avec le canon. Oui, oui. Voilà. Mais au locataire, on donne toujours au moins un double de clés. Alors, si c'est le cas, si le propriétaire a gardé une des clés, alors une clé de cette maison, que peut faire le locataire? Le locataire peut réclamer toutes les clés, puisque c'est au départ, lui qui à l'état des lieux, c'est ça? Absolument. Oui, oui. En plus, ça doit être inscrit dans l'état des lieux d'entrée, ce qui fait qu'on ne peut pas conserver des clés. Alors oui, c'est vrai que le propriétaire, il a quelquefois, il se dit on ne sait jamais s'il y a un départ de feu dans la maison, etc. Ouais. Mais de toute façon, c'est pas du tout, ce n'est pas possible. Donc juridiquement, légalement, on ne peut pas conserver le double des clés. Et en plus, le propriétaire n'a absolument pas intérêt à conserver, même si le locataire le propose, puisqu'il pourrait se passer par exemple un vol. Oui. Vous voyez, il ne faudrait pas que le propriétaire puisse être, lui de son côté, inquiété si jamais il y a un vol chez le locataire. Donc de toute façon, il faut, alors c'est une obligation bien sûr de remettre le double des clés, et il a tout intérêt à ne pas conserver de toute façon de double de clés. Le locataire doit réclamer. Et il réclame à ce moment-là toutes les clés au propriétaire bailleur. Pour une question de responsabilité, si demain matin quelqu'un est rentré dans le logement et qu'il n'y a pas eu d'effraction, il y aura souci. Alors justement, ça nous permet aussi de rebondir sur cette question, notamment lorsqu'il y a un cambriolage, un vol, etc. dans ce logement, qui doit faire les travaux si, par exemple, la porte a été cassée, si le rideau métallique a été entièrement donc détruit. C'est à la charge de qui, après un cambriolage? J'ai l'impression que c'est parfois un peu complexe. Oui, c'est un peu plus. La réponse est moins catégorique. Ça va dépendre des contrats d'assurance pris par le locataire et par le propriétaire. Selon les contrats, la couverture n'est pas la même. Et on va donner un principe général. Si on reste sur les réparations locatives, c'est que normalement tout ce qui est grosse réparation, donc gros dégâts causés par un cambriolage, volet roulant, porte complètement fracturée, on aurait tendance à se dire que c'est propriétaire. Normalement, c'est à la charge du propriétaire. Oui. Voilà. Maintenant, les contrats d'assurance mettent souvent des montants, avec des montants plafonds. Selon le montant des réparations, ça va être ou à la charge de l'assurance du propriétaire ou à la charge de l'assurance du locataire. Donc je ne veux pas être catégorique là-dessus. Sylvie Cadet. Oui, c'est ça. Ça dépend effectivement des clauses. C'est très compliqué à mon avis à mettre en œuvre. Ça doit dépendre aussi s'il y a effraction ou pas. Et puis, en plus, il peut y avoir aussi des indications particulières lorsque le locataire n'a pas, par exemple, été vigilant. Il n'a pas fermé correctement le volet, etc. Donc après, c'est souvent une question de preuve. Et c'est pour ça qu'on disait que c'était difficile à mettre en œuvre en fonction des éléments, en fonction des faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'habituellement ce volet-là est fermé? Est-ce que par mégarde il a été laissé ouvert? On a souvent le cas, par exemple, lorsque le volet reste ouvert, mais que la fenêtre, donc la partie vitrée en fait, a été cassée, et donc le voleur s'est introduit plus facilement. Tout en sachant que le propriétaire bailleur n'est pas responsable du fait des tiers. Donc il y a aussi cette règle-là, et la jurisprudence est très ferme sur ce point-là. C'est-à-dire que d'une façon générale, il n'accepte pas, en fait, la responsabilité du propriétaire bailleur n'est pas mise en œuvre lorsqu'il y a effectivement fait d'un tiers. Alors c'est pour ça qu'après, on va se baser sur les contrats d'assurance pour essayer, en fait, de trouver un pied pour voir, en fait, qui paye quoi. Moi j'avais vu une décision de jurisprudence qui acceptait la responsabilité du bailleur, mais il y avait énormément d'ouvertures, ça se trouvait en rez-de-chaussée, là effectivement c'était une cour d'appel qui avait accepté donc la responsabilité du fait du tiers, puisque le voleur pouvait s'introduire en fait par un nombre incroyable d'ouvertures. Pour joindre nos experts, pour en savoir un peu plus sur vos droits et obligations, je vous laisse le numéro de téléphone de la DIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. C'est le 02 62 41 14 24. Et pour joindre la Fédération nationale des agents immobiliers, c'est le 02 62 49 08 57. Merci Sylvie Cadet, merci Eric Warreau. Merci, à bientôt. À très bientôt sur Réunion Première. Merci encore. passe à moi. Et que nous doit vivre nous titou ou les Congolais. Viens embrasse à moi, viens embrasse à moi. Et toute cette donne photo gibri, moi l'a bien compris. Ou la pire même sentiment pour moi, moi l'a remarqué. On veut plus continuer. Mais quand ça va, oublie que moi les tristes oublie, fais un grand sourire. Va faire appel à moi encore, bonne bon temps là. Quand t'es court, t'es seul dans mon bras. Mais quand ça va, essaye causer pour pas encore de nous. Essaye pas de faux, comme si m'y manque à où. Viens, embrasse à moi pour un dernier écolo, quel avenir. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'habitat. Zoom tout à l'heure à 12h15, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Zoom sur les mesures en faveur des maisons propres sur le plan énergétique, aussi bien notamment pour la construction que la rénovation. Les questions tout à l'heure dans l'émission de 12h15 à 12h45 au 02 62 99 2000, avec Philippe Dornier, Sophie Degarec, donc chargée de la qualité de la construction à la DA, Aurélie Ichard, animatrice technique à la FRBTP, et puis Irène Leca, en charge de l'efficacité énergétique à EDF. Question-réaction 02 62 99 2000. We all sing, what a feeling, yeah, together. Where to begin with these words of mine? And if I'm lost, I'm in paradise. And every morning with a new light, it's a new day. And I sing, I know that there is something much better. Every day and night, I really wanna know where you are sometimes. But I can understand if you can decide. You know we belong together, and I stay here.

Midi moins 10 sur Réunion Première, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunie Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Raymond André Isnard. Raymond André Isnard, décès survenu aujourd'hui à l'âge de 54 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Primat. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Blücher, Agathe Mélanie, dite Madame Jean-Paul. Madame Blücher, Agathe Mélanie, décès survenu à l'âge de 73 ans. La veillée se fait au centre funéraire de Primat. La bénédiction est prévue demain mardi 4 octobre à 10h au centre funéraire de Primat, suivi de l'incinération au centre funéraire de Primat. Décès de Monsieur Fontaine Élie Alain. Monsieur Fontaine Élie Alain, décès survenu à l'âge de 84 ans. La veillée se tient au numéro 47 rue Émile Littré au Tampon. La bénédiction se fera en l'église de Trois-Mars du Tampon aujourd'hui à 16h, l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Roger Bocchi-Kenny. Roger Bocchi-Kenny, décès survenu à l'âge de 78 ans. Le convoi sortira du 8 chemin Pâturage Bellevue à Saint-Louis, aujourd'hui à 15h. La bénédiction se fera en l'église de Saint-Louis à 15h30, l'inhumation au cimetière de Saint-Louis. Décès de François-Germain Tendrayen. François-Germain Tendrayen, décès survenu à l'âge de 98 ans. Le convoi sortira de son domicile au 548 chemin Monnier à Saint-André, ce jour à 15h30. La bénédiction aura lieu à l'église de Saint-André à 16h, l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Fazi Max Hubert Philippe. Fazi Max Hubert Philippe, décès survenu à l'âge de 75 ans. La veillée a lieu au centre funéraire de Primat. La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Primat aujourd'hui à 15h30, suivi de la crémation à 16h. Décès de Monsieur Sidat Sergendré. Monsieur Sidat Sergendré, originaire des Camélias, Saint-Denis, résident à Sainte-Suzanne, décès survenu à l'âge de 60 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Bois-Rouge à Sainte-Marie. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Ramsamy Marcel Nemoutoussami Anda. Madame Ramsamy Marcel Nemoutoussami Anda, originaire de la ligne des bambous à Saint-Pierre. Décès survenu à l'âge de 67 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud de la ligne Paradis aujourd'hui, lundi 3 octobre. La bénédiction se fera en l'église Bon Pasteur à Saint-Pierre à 15h. L'inhumation au cimetière de Saint-Pierre. Décès de Madame Ponama née Jibassia Marie-André. Madame Ponama, née Jibassia Marie-André, décès survenu à l'âge de 59 ans. Le convoi sortira de son domicile au 33 bis chemin du Cap à Sainte-Anne. Aujourd'hui, lundi 3 octobre à 15h30, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Anne, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Vandemel Toussaint, dit Ninis Vandemel Toussaint, décès survenu à l'âge de 70 ans. Le convoi sortira du numéro 61 chemin Le Breton. C'est au hangar à Boisneuf-Saint-Paul, aujourd'hui lundi. La bénédiction se fera à 16h en l'église de Boisneuf-Saint-Paul, l'inhumation au cimetière de l'étang Saint-Paul. Décès de Madame Sautron née Payette, Alice Noël. Madame Sautron née Payette, Alice Noël, décès survenu à l'âge de 79 ans. La veillée se fait au 204 rue Jean 23, à l'Espérance Léo à Sainte-Marie. Le convoi sortira au numéro 204 rue Jean 23, Espérance Léo à Sainte-Marie. La bénédiction se fera aujourd'hui en l'église de la Rivière des Plus à 15h30, l'inhumation au cimetière de Bois-Rouge. Décès de Monsieur Anna Julien. Monsieur Anna Julien, décès survenu à l'âge de 91 ans. La veillée se fait au 245 Chaussée Royale à Saint-Paul. Le convoi sortira du numéro 245 Chaussée Royale à Saint-Paul aujourd'hui. La bénédiction en l'église du Port à 15h, l'inhumation au cimetière paysager du Port. Décès de Monsieur Leveneur Marie Aubert. Monsieur Leveneur Marie Aubert, décès survenu à l'âge de 80 ans. Le convoi sortira au 12 rue des Lecci à Petite-Île aujourd'hui. La bénédiction se fera en l'église de Petite-Île à 15h. L'inhumation au cimetière de Petite-Île. Décès de Madame Mallet Marie-Edmé. Madame Mallet Marie-Edmé, décès survenu à l'âge de 86 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud aujourd'hui à 15h, la bénédiction se fera en l'église d'Eliane à 16h, l'inhumation au cimetière d'Eliane. Décès de Monsieur Tounia Antoine. Monsieur Tounia Antoine, décès survenu à l'âge de 82 ans. Le convoi sortira de son domicile au 28 rue du 20 décembre à Sainte-Suzanne. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Suzanne et l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Perrault, Marie-Céline, née Edmond. Madame Perrault, Marie-Céline, née Edmond. Décès survenu à l'âge de 83 ans. Le convoi sortira de son domicile au 187. Ilette Bananier à Salazie. aujourd'hui pour la bénédiction en l'église de Salazie à 15h, l'animation au cimetière de Salazie. Et le décès de monsieur Di Fernand Expedito Emilien, décès survenu hier à l'âge de 49 ans, monsieur Di Fernand Expedito Emilien. Un recueillement se tient à son domicile au numéro 9, allée Bourbon au Port. La bénédiction se fera aujourd'hui à 14h30 en l'église à Saint-Yves de la Cidère au Port, suivi de l'inhumation au cimetière marin du Port. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réuni Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Le TCO qui vous invite à faire part de votre avis lors de l'enquête publique sur la révision de son schéma de cohérence territoriale. Rendez-vous sur www.tco.re ou sur les lieux d'enquête jusqu'au 14 octobre. Sudéo qui informe ses abonnés de la commune de Saint-Joseph qu'en raison des travaux de lavage et de désinfection du réservoir d'Elbon 1, la distribution en eau sera interrompue pour mercredi 5 octobre à partir de 8h sur Carrosse, rue de la Chapelle, rue Harry Truman, rue Dardanelle, la rue Edmond Albius, la rue Boris Saint-Vincent, Bézave, Manapani, la partie haute, chemin solitaire et le chemin Héliodore Fontaine. Le maire de la Plaine des Palmistes qui informe ses abonnés du secteur du 1er, 2e et 3e village ainsi que le secteur de la Petite Plaine qu'en raison des dégradations de la qualité de l'eau, il est conseillé de faire bouillir l'eau pendant au moins 3 minutes avant toute consommation. Et puis les collectes de sang prévues pour demain, mardi 4 octobre, c'est avec le FS en salle de conférence à Saint-Paul de 8h à 13h et à l'IFSI de Saint-Pierre de 8h30 à 12h30. Sur Réunion Première. Bon appétit à tous, c'est les midi. Le journal d'Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Grosse pagaille ce matin sur la route du littoral, toujours partiellement basculée suite au feu de broussailles qui s'est déclaré vendredi soir à la montagne. 70 hectares ont brûlé et ce matin, un foyer à fleur de falaise donnait toujours du fil à retordre aux dizaines de pompiers mobilisés. On fait le point dans un instant avec Éric Boiteux, le directeur d'exploitation et d'entretien de la direction régionale des routes. La nouvelle route du littoral, ou plus précisément les pierres nécessaires à sa construction, sont également au cœur de l'actualité ce lundi après le rassemblement de près de 5000 opposants à la carrière de Bois Blanc hier dans l'Ouest. Une manifestation à laquelle participaient les maires de Saint-Leu et des Avirons, mais pas la maire de la Possession. Empêtrée dans le projet de carrière des Lataniers sur sa commune, Vanessa Miranville nous livrera ses explications. Dans ce journal, nous parlerons également d'Octobre Rose, un mois consacré à la prévention du cancer du sein. Et nous parlerons aussi de la cryothérapie, un traitement par le froid à moins 93 degrés, désormais disponible à La Réunion. Bienvenue sur Réunion Première. Le feu de broussailles qui sévit depuis vendredi et qui sévissait toujours ce matin provoque de grosses perturbations sur le trafic routier ce lundi puisque la circulation sur la route du littoral est basculée côté mer entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis sur deux voies en direction du nord et une seule en direction dans le sens nord-sud. Une réouverture en mode deux fois deux voies est attendue peut-être dans la journée. On va poser tout de suite la question à Éric Boiteux. Vous êtes de la direction régionale des routes et vous venez de survoler, de faire un vol de reconnaissance au-dessus de la falaise. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, alors, déjà pour l'instant, nous sommes sur deux voies en direction du sud, puisqu'il y a une gestion qui a eu lieu vers 9h ce matin.